Ma bulle, c'est comme une pensée enfantine, légère et insouciante. Cette bulle, dans laquelle parfois on me croit enfermée, m'apporte tellement d'ouverture. Je ne choisis pas le moment où elle s'impose, ni celui où je la provoque, parce qu'elle m'est nécessaire. Elle me convient, me protège, me libère, me rassure et me permet de rencontrer des personnes singulières. Car dans ma bulle, je ne suis jamais seule. Dans ma bulle. Salut à vous, chers amis. Quel plaisir de vous retrouver dans ma bulle avec une formidable invitée aujourd'hui, l'artiste peintre Jahida Ouadef. Jahida nous fera rentrer dans son univers riche en couleurs et en émotions. Avec elle, on reviendra sur sa dernière exposition dédiée au Liban, mais aussi sur l'hommage permanent qu'elle rend à la femme algérienne et de son amour pour la nature. Jahida Ouadef, on va la retrouver dans une terrasse de café, entourée d'arbres et de fleurs, un univers qui lui sied parfaitement. On la retrouve juste après la belle voix de Momo Jander. Voici sa version de Berah, extrait de son dernier album, Tarmim. البارح كفاره وانا بعزوم كفاره الشوق والهوى ما في عمري عشرين البارح كانت الوالد كلام صحة البدن تتريح يا سهرة السنين البارح البارح في عمري عشرين يا حسرة على عشرين Merci pour joindre à nous dans ma bulle avec l'artiste peintre Jahida Ouadouf. C'est un plaisir de vous avoir dans l'émission. Merci d'avoir dit oui à l'invitation de Dans ma bulle. Merci Emel, vraiment c'est sympathique pour cette invitation. Je suis venue à cette émission avec grand plaisir parce que dans ma bulle il y a tellement de choses à dévoiler et à partager surtout que je suis venue avec grand plaisir. Alors dans ma bulle, on va essayer de rentrer justement dans la vôtre tout au long de cette émission. Nous sommes ici dans une terrasse de café, on est en plein air entouré de verdure et je sais que vous... vous aimez bien les espaces ouverts, le plein air, la nature. Est-ce que ce sont ces lieux qui vous inspirent la majeure partie de vos toiles ? Oui, beaucoup, énormément. La nature, moi je trouve que c'est une source d'inspiration pour tout créateur. Et moi quand j'étais petite, je suis née dans un village des abricotiers à Ngaous. Moi, j'ai toujours vécu à Alger, je partais très souvent en vacances à Ngaous. Et je trouve ces espaces-là que la nature m'a offert, m'a beaucoup inspirée. Et je pense qu'elle a fait, cette nature, elle a fait ce que je suis aujourd'hui. Et puis les espaces verts, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi se renfermer dans un appartement alors qu'on a des choses que Dieu nous a offertes et qui sont vraiment quelque chose de très qui sont profondes et qui en même temps apaisent l'individu et lui permettent d'être zen avec lui-même et zen avec les autres. Donc les espaces, c'est extraordinaire. Et surtout les dernières années, j'ai eu des expériences dans le Sahara algérien. Je suis partie à Tamana, c'était à plusieurs reprises, travailler avec les enfants dans le cadre du festival de la Haga. Et je trouve ces espaces-là, le Sahara, surtout que le Sahara, il y a des plaines, c'est immense. C'est-à-dire qu'on a une vue sans limite. Sans horizon, ces plaines, on dit bien que Tamana, c'est un peu le toit de l'Algérie. Et c'est extraordinaire de voir de ce toit-là cette immensité de ces espaces. Et dans ces immensités, c'est justement ça pour l'être humain, c'est ce challenge. Parce qu'il est avec cette immensité, il est avec lui-même, c'est comme si qu'il va se confirmer contre ce grand espace. Et ça, ce sentiment, il est extraordinaire de se retrouver. C'est comme aussi les images qu'on a vues à plusieurs reprises dans les films, La Terre vue du ciel. Alors moi, ce film, La Home, c'est quelque chose qui m'a vraiment ébranlée parce que le fait de voir notre vie d'un autre angle et du haut, c'est comme si que Dieu nous regardait, c'est quelque chose d'exceptionnel, je trouve. Finalement, on est infiniment petit devant l'immensité de ce qui nous entoure. Exactement. Et d'ailleurs, cet infiniment petit, il va justement nous apaiser. Il va nous permettre de ne pas prendre des airs qu'on est seul et qu'on est individualiste. Il va justement ôter tous ces sentiments-là d'individualisme et de croire qu'on va rester ici éternellement et qu'on a la force des choses. Alors que la force, elle vient d'ailleurs, forcément. Forcément. Alors, vous êtes souvent touché, marqué par les lieux que vous, les villes, les pays que vous visitez. On parlera tout à l'heure de votre voyage au Liban qui a fait naître une exposition. Mais justement, pour parler des lieux, est-ce que les idées viennent rapidement ou sur place ou est-ce que les images restent dans votre mémoire et c'est ensuite le fait que vous soyez touché que la mémoire vous oblige à peindre, à mettre en place une œuvre par la suite? Comment ça se passe? En fait, le travail d'un créateur, il est très mystérieux parce que nous-mêmes, on ne comprend pas ce qui se passe en nous. On essaie d'interpréter les choses comme n'importe qui peut les interpréter, c'est-à-dire l'œuvre d'art. C'est-à-dire qu'une fois on fait une œuvre d'art et on essaie de lire cette œuvre d'art, sa lecture, elle est tellement profonde et tellement à l'infini. C'est-à-dire n'importe qui va venir aujourd'hui, il va lire une œuvre d'art, par exemple, si je prends les œuvres connues, universelles, comme les œuvres de Mona Lisa, de Léonard de Vinci ou autres œuvres. C'est-à-dire là, on va vers ces œuvres-là et y a tellement de choses à tirer de ces œuvres-là. Et à travers, elles percent le temps et la vie. C'est pour ça qu'on dit une œuvre d'art, elle est unique. Elle ne peut jamais être identifiée à autre chose. Donc, c'est ça la magie d'une œuvre d'art. Et donc, un artiste, quand il travaille, bien sûr, il va sa vie, son entourage, son contexte, il va participer dans son travail, dans son œuvre. Mm-hmm. Et souvent, bon, nous-mêmes, il y a des choses qu'on accumule, qu'on regarde peut-être sans faire attention et qui restent dans notre mémoire. Il y a des sentiments qu'on acquis à travers, je ne sais pas, à travers des rencontres, à travers des partages, à travers des mots. Très souvent, moi, je m'attarde dans les mots. Et je cherche, je suis là, et je me dis, c'est extraordinaire, un mot, tout ce qu'il peut engendrer comme sensation, c'est extraordinaire. Et je trouve que ça, c'est ça la magie d'un être humain. D'ailleurs, Freud, il en a travaillé beaucoup sur les sentiments de l'être humain. Il n'en a jamais su trouver un résultat, c'est pas une science exacte. Sauf la psychologie, tout le corps humain, il a été trop, c'est-à-dire étudié, détecté, compris, mais l'être humain, l'âme de l'être humain, la psychologie de l'être humain reste toujours profonde et je pense que la psychologie de l'être humain, c'est comme cette œuvre unique qui peut toujours à chaque fois donner et donner et donner malgré elle est là, elle devient une matière, mais cette matière, elle reste quand même toujours spirituelle, elle reste toujours spirituelle. En tout cas, vous dites qu'il y a un déclic, que le déclic d'un témoignage visuel, c'est à travers ce déclic-là que vous exprimez les sensations profondes de vos impressions. Oui, exactement. Le déclic, c'est-à-dire, c'est notre vécu, c'est tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, le déclic, moi, je pense qu'il vient, il ne vient pas tout seul. Le déclic, il vient parce qu'on a créé un contexte autour de nous. Parce que on a des repères. Ce déclic, il vient de nos repères. Il ne vient pas comme ça par hasard. Il vient parce que moi, j'aime la lecture, je vais lire, je vais vers les gens qui aiment la lecture, qui veulent justement aller au-delà des choses palpables. Donc, ce déclic, il vient parce que on se travaille. Et donc, le déclic, il vient pas par hasard, il vient parce que nous, on a créé cette bulle justement autour de nous. Et cette bulle, elle va nous donner, elle va fusionner des choses autour de nous. Et nous, on prend à chaque fois, on s'attarde, on s'arrête sur un détail ou sur une image ou sur une sensation. Et à travers cette sensation, peut-être un jour, elle va donner naissance à autre chose. C'est comme des graines, on va semer un peu partout qui va créer un autre monde. Alors, Jaïda Wadeuf, La peinture et vous, c'est finalement une très très belle histoire qui dure depuis assez longtemps. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie? On revient peut-être à ce déclic, hein, le tout premier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la peinture, de devenir aujourd'hui artiste peintre? Bon, moi je pense que en analysant un petit peu mon histoire, ma petite histoire, parce qu'on est vraiment infiniment en détail dans cette immensité de la planète, je pense que le déclic, en fait, quand j'étais petite, j'allais souvent à Ngaous pour les vacances, et puis je regardais tous les détails. Par exemple, je restais des heures à regarder les fourmis, comment elles travaillaient. Et donc, le fait de voir les fourmis et vouloir et avoir, et moi j'avais envie de leur donner cette force et les aider à aller plus vite et faire leur ravitaillement rapidement. Et vraiment, je me dis, c'est quoi cette patience? C'est extraordinaire de voir cette patience. C'est-à-dire, tous ces détails, ils nous donnent des leçons de vie. Oui. Et donc, bon, moi, mon déclic, c'est déjà dès ma naissance, le fait d'ouvrir mes yeux et de voir cette ligne d'horizon et de voir cette verdure qui est à ce ciel bleu, ce paradis-là, et de voir cette vie qui est autour de ces lignes, de cette ligne d'horizon, parce que cette ligne d'horizon, elle va relier le ciel et la terre. Et donc, de voir que cette ligne d'horizon qui va donner de la lumière, elle va donner de la nuit. Et donc, vraiment, c'est le cycle. Et de voir que les choses naissent et évoluent, et à chaque fois, ils nous donnent de nouvelles images. Donc, moi, je pense que ça, c'est le premier déclic. Le deuxième déclic, moi, j'ai vécu ici à Alger depuis je suis née pratiquement à Alger. Je suis à Ngaos, mais j'ai toujours vécu à Alger. Grandi à Alger. Voilà, j'ai vraiment grandi à Alger. Mes parents habitaient avant ma naissance à Alger. Donc, si je suis née à Ngaos, c'est parce que mes parents, ils sont d'origine là-bas. Donc, ma mère, elle allait avoir ses premiers enfants au sein de la famille. Donc, Alger, c'est l'appartement. Mais dans cet appartement, bien sûr, cet appartement, il a une histoire. Il a été envahi, parce que l'Algérie, il a été envahi par les Français. Donc, ils ont laissé des traces. Donc, dans mon appartement, il y avait beaucoup de choses, d'images. Il y avait beaucoup d'images, il y avait beaucoup de livres. Quand on était petit à la maison, on avait des albums de cartes postales sur l'Algérie. Donc, déjà, toute petite, j'ai voyagé à travers cet album de cartes postales sur l'Algérie. Je regardais souvent ces images-là, et puis il y avait des peintures, les Français avaient laissé des peintures, des reproductions. Donc, j'ai vraiment, à chaque fois, j'étais vraiment complètement dans ces images-là. Et puis, quand j'ai commencé à manipuler un petit peu les outils, les crayons, les feuilles, j'avais au début, avant les crayons, j'ai déchiré, hein, je découpais, je faisais des choses, des personnages avec mes frères et sœurs. Donc, j'ai découpé. On a d'ailleurs bousillé. C'est dommage, beaucoup de choses. Mais on ne regrette pas finalement parce que ce qui a donné naissance justement à cette fibre artistique. Exactement. Donc, on découpait des personnages. On faisait des théâtres comme ça. Chaque personnage, je donnais à mes frères ce personnage. Toi, tu vas t'occuper de ce personnage. Donc, on interprétait. On faisait des interprétations comme du théâtre. Donc, on inventait des jeux. Et je trouve que c'est extraordinaire. Ordinaire de vouloir être créatif et inventer des choses. Mmh. Donc quand on était petit, on n'avait pas les jouets achetés tout prêts. On faisait nous-mêmes nos jeux et on créait beaucoup de choses autour de nous. Et je pense que ça, c'est un point important pour le développement de l'imagination. Après, quand j'ai commencé à manipuler, quand mon père, il m'avait acheté ma première boîte de crayons de couleur, déjà, j'imaginais beaucoup de choses dans cette boîte de crayons. Dès que j'ai vu toutes ces couleurs-là, mes yeux se sont ouverts d'une manière incroyable. Et dès que j'ai vu cette boîte de crayons de couleur, et surtout organisée, comme un arc-en-ciel, les couleurs chaudes ensemble, les couleurs froides ensemble. Déjà, dans cette boîte de crayons de couleur, c'est comme si j'allais me confier à cette boîte de crayons de couleur. Vous allez lui raconter ce que vous avez exactement. Vu déjà. Et donc, cette boîte de crayons de couleur, elle m'a permis de reproduire beaucoup d'images qui étaient dans mon appartement à Alger. Et je pense que c'est ça le premier déclic. C'est Ngaos, ma source d'inspiration, qui a toujours été ma source d'inspiration. D'ailleurs, à travers mes expositions, j'en ai rendu un grand hommage, et surtout aux Ngaosiyettes, lors de ma dernière exposition en 2012 au Musée Zabana. Une Ngaosiyette, c'est le harem des femmes algériennes. C'est justement l'histoire de Essel Jebbar, les femmes d'Alger dans leur appartement. Et donc, pour moi, c'était important, après mon parcours, 30 ans de travail, de rendre hommage à ma ville natale et aux femmes de ma ville natale qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez gardé vos premiers dessins, les petites choses que vous avez dessinées avec cette première boîte de crayons de couleur? Non, pas du tout. On était très destructifs malgré tout. On déchirait tout parce que... Non, malheureusement, j'avais pas gardé. Quel dommage. Oui, quel dommage, c'est vrai. Alors, vous avez grandi à Alger, vous l'avez dit, mais vous partez très souvent dans la ferme de votre grand-père à Ngaos, la ville où vous êtes née. Et vous avez dit que vous avez eu une enfance très riche. Donc déjà enfant, une enfance riche en découvertes et en couleurs. Oui. Moi déjà, comme je l'ai déjà écrit dans mes textes, c'est-à-dire pour moi, la ferme de mon grand-père et le fait de voir des choses qui poussent, C'est déjà, vous savez, c'est extraordinaire de voir quotidiennement des choses qui se métamorphosent, que Dieu nous donne et qu'il nous offre. Et je trouve que c'est extraordinaire de voir ce changement. Comment, par exemple, une courgette, elle est toute petite et comment elle grandit, comment on la mange et on la dévore. Et puis moi, quand j'étais petite, pour moi, c'était important de manger des choses que je prenais moi-même de l'arbre. D'ailleurs, jusqu'à présent, j'ai cette phobie d'aller chercher des choses que je prends directement de l'arbre. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'authentique. De manger un fruit cueilli directement d'un arbre et je pense que le goût, il est différent par rapport d'aller l'acheter au marché. Il est vraiment différent. Donc cette nature, pour moi, c'est quelque chose d'unique. C'est-à-dire, moi, quand je vois des personnes détruire la nature comme ça, ça me fait vraiment beaucoup mal au cœur de voir qu'on ne fait pas attention à cette nature, parce que cette nature-là, justement, elle fait partie de nous-mêmes. Et cette nature-là, justement, d'ailleurs, j'en ai fait beaucoup d'expositions autour de ça, entre autres ma collection Shajara, qui traite un petit peu de mes racines et un travail sur l'environnement. Et Shajara, elle est née justement d'un voyage que j'ai fait d'Alger à Tunis par route. Et quand je voyais à travers la vitre de la voiture lors de mon voyage tous ces paysages arides et puis avec ce décor de sachets en plastique qui ont remplacé sa nature, ça me rend vraiment malade. Ça me rend malade parce que je me dis, plus l'être humain il détruit la nature, plus il se détruit lui-même. Plus il y aura peut-être un jour pas d'humanité. Et ça, c'est vraiment le malheur de l'humanité. Lorsque vous n'avez pas gardé vos premiers dessins, toutes petites, mais je pense que au fil des années, quand vous voyez les premières toiles et ce que vous faites aujourd'hui, finalement, vous vous dites que si l'évolution par rapport à la technique, elle est là, finalement, vous n'avez pas évolué, vous êtes restée vous-même, la fille, la toute petite fille qui aimait la nature, et aujourd'hui, vous êtes une femme qui défend encore la nature. Donc, finalement, vous n'avez pas évolué. Votre vision des choses et les sentiments que vous avez n'ont pas beaucoup évolué à travers les années. C'est-à-dire, moi, ce mot « évoluer », je pense qu'il peut pas, on ne peut pas l'utiliser dans l'art. D'accord. On ne peut pas l'utiliser dans l'art parce que il y a des visions, il y a des visions. Il n'y a pas une évolution, mais il y a d'autres visions, il y a d'autres sentiments, il y a des découvertes. Donc évoluer, parce que moi, si je prends, par exemple, mes premières, la dernière fois, j'ai posté mes premières peintures des années 80 sur Facebook, et ben, j'étais en train de les regarder et je me dis, est-ce qu'un jour, je suis capable de faire des choses pareilles? Vraiment, on se pose la question, parce que une œuvre, quand elle naît, on ne sait pas si un jour, et je pense que c'est impossible, on ne pourra jamais reprendre, c'est pas refaire, on ne pourra jamais avoir ces sentiments-là, cette âme-là, du moment, de cette période de notre vie. Donc, évolution, parfois, quand je regarde mes anciennes œuvres, il y a d'autres que je n'accepte pas parce que je les refuse. Je me dis, non, j'aurais pu faire ça. Mais bon, il y a des artistes, par exemple, qui retouchent leurs œuvres. Mais moi, je ne veux pas retoucher mon travail parce que mon travail fait partie de mon histoire. Je veux le laisser comme il est. Même si je veux changer des choses, je préfère aller vers autre chose, reprendre un autre travail que de retoucher quelque chose qui a marqué un temps dans mon histoire. Donc, une œuvre d'art, elle a toujours des choses à donner, quel que soit le temps, quel que soit nos visions, quel que soit nos sentiments, quel que soit notre créativité. Donc, je pense qu'il faut, enfin, moi personnellement, c'est ma théorie, je préfère laisser les choses, ne pas retoucher, même si je refuse la façon de travailler cette œuvre, mais je préfère la laisser comme elle est. Alors, Jahida, vous êtes diplômée de l'École nationale des beaux-arts, mais aussi de l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. Donc, finalement, la peinture, elle représente beaucoup de vous, votre vécu, ce que vous avez appris aux Beaux-Arts, ce que vous avez vu quand vous étiez toute petite. Et puis, votre première exposition, elle est arrivée, elle est une expo collective, hein, c'était en 86, c'était à Ibn Khaldoun. Vous gardez des souvenirs de cette première exposition? Est-ce qu'elle représentait pour vous une première consécration de la petite qui était qui emmagasinait les images à celle qui a étudié, qui a eu son diplôme et qui enfin est en train d'exposer ses premières œuvres? Est-ce que vous avez vécu votre première exposition comme ça? Oui, en fait, une première exposition, c'est un dévoilement. Donc, le fait de se dévoiler, on se pose la question si l'autre accepte notre intérieur, oui, on se pose la question si l'autre accepte notre travail. Donc nous, on expose, il y a des gens qui aiment, il y a d'autres qui n'aiment pas. Donc c'est vrai que c'est une expérience marquante quand même, parce que le fait de montrer, parce qu'un artiste quand il travaille, c'est des choses vraiment, l'acte de la créativité, c'est quelque chose de très personnel. Une fois il termine ses œuvres, et donc il les regarde d'une manière vraiment, c'est comme si qu'ils ne lui appartiennent pas. Oui. Et puis le fait d'exposer, c'est carrément autre chose aussi. Le fait d'exposer, ça veut dire se dévoiler, ça veut dire se laisser les autres venir vers notre monde. Et puis les autres, parfois ils ne nous acceptent pas, ils acceptent pas notre monde, parfois ils l'acceptent. Donc c'est vraiment un challenge. Le fait de et puis c'est aussi une aventure aussi, le fait de voir la vision des autres. Et puis parfois certains artistes, la vision des autres change carrément leur monde, mm-hmm. aussi, parce que souvent ils sont influencés. Donc, par la critique, par exemple. Par la critique, oui, bien sûr, la critique, elle fait beaucoup évoluer. Et bon, moi je trouve que c'est dommage, parce qu'on n'a pas des critiques d'art ici en Algérie. Il y a des artistes, il y a des gens qui écrivent sur la peinture, mais c'est des gens qui ne... C'est-à-dire qu'ils ne sont pas assidus dans le domaine, ils écrivent de temps en temps. Donc c'est dommage, parce que en fait, moi je trouve que c'est dommage ici en Algérie, parce qu'on n'a pas, un artiste quand il produit des œuvres, après ces œuvres-là, elles sont dans son carton à dessin ou dans son appartement ou dans son atelier, et puis ces œuvres-là, comme on a beaucoup de problèmes d'acquisition, l'État n'achète pas les œuvres aux artistes, il n'y a pas de lieu où ces œuvres elles sont vues en permanence. Donc je trouve que c'est dommage qu'une œuvre ne continue pas à vivre à travers le regard des autres, parce que quand on regarde les autres, quand le regard des autres, il fait vivre l'œuvre, il continue à lui donner la vie. Mm-hmm. Et je trouve que c'est dommage que les choses se passent comme ça. Et puis bon, voilà, j'ai détourné carrément la question. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est, la première question. On parlait des expositions leur importance, mais je pense que votre expo personnelle est venue 3 ans plus tard à Alger, toujours au Palais de la Culture en 89. Et puis ensuite, vous avez eu la chance, le privilège, l'honneur, le plaisir, le bonheur, vous pourrez décrire ça comme vous voulez, d'exposer à Alger et même ailleurs, hein, en France, à Paris, à Abu Dhabi, en Tunisie. Est-ce que chaque exposition pour vous a un goût particulier, ou est-ce que pour vous exposer c'est déjà important, mais chaque exposition a un cachet particulier? Bien sûr, chaque exposition est une nouvelle aventure, chaque exposition est un nouveau partage. Oui, chaque exposition est un nouveau partage, chaque exposition reste, après la fin de l'exposition, moi je la classe dans mes souvenirs, et ces souvenirs-là, ils peuvent engendrer d'autres choses. Mm-hmm. Donner des, peut-être ça peut, mes précédentes expériences peuvent influencer mes futures œuvres. Donc ça fait partie ma bulle, de mon contexte. Donc voilà, je pense que c'est très important. Toutes ces expériences-là, elles sont importantes. Et je pense qu'à chaque fois qu'on réalise quelque chose, cette réalisation, et surtout si elle a beaucoup de succès, elle est appréciée par beaucoup de personnes, je pense qu'elle va nous donner de l'élan pour réaliser encore d'autres projets. Alors, on va un peu parler de vos œuvres. Bon, je ne suis pas une spécialiste, hein. Loin de là, je ne suis pas non plus critique, mais en tout cas, on sent que la femme est très présente dans ce que vous proposez, dans vos œuvres. Vous dites, en tout cas, si l'on trouve souvent la femme, donc, c'est que quelque part, c'est de vous que vous parlez, et vous avez été énormément marquée par vous avez évolué dans un monde de femmes, un monde qui vous a énormément marquée. Donc, est-ce que c'est la question, c'est un hommage que vous rendez à la femme à travers vos expositions. Il y a eu Urs Badjiet, il y a eu Urs Asset, il y a eu une Gaussiet. Donc, la femme, vous lui rendez un hommage permanent. Oui, parce que vous savez, la femme, d'abord, pourquoi je parle à la femme? Parce que la femme, c'est moi-même. Je suis femme. Donc, forcément, je ne peux que représenter mon monde de femme. Donc, bon, parfois, je suis heurtée à des questions de public. Pourquoi spécialement la femme? Moi, je trouve que c'est normal. Je ne peux que peindre ce que me préoccupe, ce que je suis. Et puis, la femme, c'est cette première femme que j'ai vue quand j'ai ouvert les yeux, qui était autour de moi. Moi, je me rappelle quand j'étais à Ngaouch, ma grand-mère, la Yerhamha, elle était ces femmes-là, malgré qu'elle travaillait pas à l'extérieur, mais quand on voit ce qu'elle faisait, on ne peut que leur rendre hommage. Tout le travail dur qu'elle faisait à l'extérieur, dans les champs, à l'intérieur, dans les maisons. Vous imaginez, la journée, elles sont tout le temps en train de préparer à manger, de faire le ravitaillement pour leur vie, etc., parce que ce n'était pas évident. Et puis le soir, on les voit sous la lumière d'un quinqué, tisser pour l'avenir. C'est vraiment cette philosophie, moi je la trouve extraordinaire. Le fait de voir nos grands-mères, nos mères tisser pour le futur. Elles créaient ces couvertures pour justement réchauffer tous les humains qu'ils ont et tous leurs enfants, leurs petits-enfants qui vont venir. Et je trouve que ça, c'est une philosophie extraordinaire. Que ces femmes, non seulement elles travaillent dur, mais aussi elles pensent aux générations futures. Elles pensent ce qu'elles vont laisser. Et je pense que tout individu, il a le devoir de vivre et de faire de sa vie quelque chose d'exceptionnel, mais aussi il a le devoir de penser à ces humains qui vont venir après lui. Donc moi, souvent, quand j'étais enseignante au lycée, très souvent, j'attirais l'attention à mes élèves sur ça. Je leur disais, voilà, nous, on est là. Si Dieu nous a créés, ce n'est pas pour juste être dégoûté, ne pas savoir ce qu'on doit faire, mais justement, on doit justement se ressaisir et savoir faire de notre vie quelque chose d'important. Et non seulement ça, mais aussi, il faut marquer son existence par son travail. Et quand on marque son existence par son travail, ça veut dire quelque part, on va laisser des réflexions aux autres, on va laisser un patrimoine pour les autres, et c'est très important tout ça. Alors, par rapport à vos œuvres, c'est vrai que la femme est présente, vous voulez l'expliquer, la raison pourquoi la femme est omniprésente dans vos œuvres, mais il y a aussi, on le disait tout à l'heure, hein, la nature, les fleurs, et tout ceci est très riche en couleurs. Hein. Vous proposez toujours des toiles avec des couleurs très harmonieuses, elles sont très expressives, et pourtant vous dites que vous n'aimez pas nommer les couleurs que vous utilisez, vous n'aimez pas dire voilà, ça c'est un rouge sang, ça c'est un rouge cerise. Oui, vous préférez ne pas nommer les couleurs. Pourquoi? Parce que vous savez, les couleurs, on ne peut pas les nommer en réalité, parce qu'il y a tellement de nuances. Si je prends un rouge cerise, comme vous dites, dans ce rouge-là, il y a plein, mille et une nuances. Donc, comment on va les appeler? On va les nommer, on va leur donner des millièmes. Non, donc ce n'est pas possible. Et puis, les couleurs, il faut les laisser comme ça, parce que c'est une magie. Je trouve que c'est une magie. La couleur, c'est la lumière, c'est notre lumière. Donc la couleur, c'est cette lumière qui fait qu'on voit cette image. Et sans cette lumière et cette couleur, on ne peut pas faire autour de nous ce monde-là. Ce monde qui est palpable, mais qui peut devenir un monde de rêve, qui peut nous donner de l'élan pour notre vie, qui peut nous ouvrir l'esprit. Et c'est extraordinaire de voir ces couleurs-là qui nous ouvrent le cœur et l'esprit. Et c'est aussi pour cette raison que vous n'aimez pas expliquer vos œuvres. Vous préférez que les gens aient leurs sensations et en voyant une œuvre, puissent penser à ce qu'ils veulent. Exactement. Parce que nommer, ça veut dire limiter. D'accord. Voilà, pour moi, parce que bon, moi, très souvent, je fais un travail sur, par exemple, pour mes œuvres, je fais un travail de recherche sur mes titres. Mais souvent, mes titres, ils sont très recherchés, mais je l'explique à chaque fois que le titre, ce n'est pas forcément une explication de l'œuvre. Le titre, c'est un travail aussi, un travail qui va venir accomplir l'œuvre. Donc, nommer, pour moi, c'est déterminer les choses, et moi, je n'aime pas déterminer les choses. D'ailleurs, même quand je travaille avec les enfants, j'enseigne, je donne des cours d'art plastique aux enfants, je n'aime pas trop m'inculquer dans leur imaginaire. Je viens, je les laisse, je leur donne un sujet et je les laisse libre cours. Je leur laisse libre cours pour ce travail. Mais je viens de temps en temps et je regarde leur travail de haut, comme ça, de la table. Et je leur dis, pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne changes pas ça, cette couleur? Comme ça, l'enfant, c'est vrai que c'est important qu'il donne d'une manière spontanée ce qu'il veut lui donner. Mais c'est bien aussi de venir, sans trop s'imposer, lui suggérer des choses. Parce que le fait de suggérer des choses, ça peut lui donner, ça peut l'ouvrir, ça peut lui permettre de s'ouvrir encore vers d'autres choses. Et donc, c'est ça aussi notre rôle, c'est d'enseigner. Enseigner, donc, par cette manière-là, je préfère enseigner, que de venir, je leur dicte de A à Z ce qu'ils doivent faire. Et à la fin de, parce que moi, j'ai vu des méthodes comme ça de travail, et je trouve que c'est triste, parce qu'on ne laisse même pas à l'enfant s'exprimer. Oui. Et vous aimez les enfants, hein. En tout cas, ça se sent. Vous aimez enseigner votre passion à des enfants. Vous avez dernièrement encadré un atelier d'art plastique à Oran. C'était justement pour des enfants. Ça vous a vraiment plu? Ah oui. Parce que vous l'avez partagé, hein, sur les réseaux sociaux. Oui, vous en avez parlé. Oui. C'est quelque chose qui vous a beaucoup touché. Oui, énormément. Ça m'a vraiment beaucoup touché parce que c'est la première fois que je vais au bord de la mer, travailler avec les enfants. Et ça, c'est le musée d'Oran, le musée Zabana d'Oran qui avait organisé. Parce que chaque année, à la fin de l'été, le mois d'août, tous les musées organisent un événement qui s'appelle les musées dans la rue. C'est-à-dire les musées, ils vont vers le public. Mmh. Et là, le musée d'Oran, il a préféré être à la plage. Donc, le musée à la plage. Et c'est original comme c'est idée. Très original parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de public dans la rue pendant l'été, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont passer des vacances. Et le fait d'aller vers le public qui est en vacances déjà lui, il est apaisé, ce public là. Il a la mer, il a la lumière, il a le sable, il a vraiment une étendue extraordinaire. Donc le fait de venir et de voir, de se rapprocher de ce public là, c'est quelque chose de vraiment de très original, je trouve. D'ailleurs, on était envahis par les enfants. Tout le monde venait, voulait dessiner. C'était extraordinaire. Même les grands, ils voulaient participer dans cet atelier. Et donc, c'était vraiment une très, très belle expérience. J'espère que nos institutions organisent encore davantage ce genre de manifestations. Très souvent, les musées sont désertés. Donc, il faut que les musées aillent vers le public. C'est très important. Donc, le public fait un pas, mais le musée aussi, il doit faire deux pas. Voilà. Alors, on va parler de votre dernière exposition, Offrande au pays du cèdre. Donc, c'est une expo qui est née de votre voyage au Liban. Oui, exactement. C'est une très, très belle expérience. En fait, cette exposition, elle est née d'un voyage touristique qui a été réalisé, enfin il a été fait au Liban en 2012. Mm-hmm. Et puis quand je suis revenue de ce voyage, j'avais même pas l'intention de travailler, de réaliser une collection sur ce voyage. Mais quand je suis revenue, j'étais tellement imprégnée par ce pays, j'avais l'impression que j'étais chez moi, mais vue d'une autre façon. Parce que sa géographie, elle ressemble à la nôtre. Mmh. Et on a beaucoup de choses de vie commune, certaines traditions aussi. Et donc, quand je suis revenue, je me suis retrouvée en train de travailler sur ce voyage. Donc, j'avais fait une œuvre. Après, je me suis retrouvée en train de faire une deuxième, ainsi de suite. Alors, après, j'ai réalisé toute une collection. Donc, cette collection, elle est née. Et puis, je l'ai terminée. Et j'étais en train de chercher des sponsors pour pouvoir la réaliser. Donc, je n'arrêtais pas. Vous savez, le travail d'un artiste est très aride quand même. Le fait d'aller s'occuper de sa créativité et puis aller parce que pour monter les expositions, c'est tout un travail. Mmh. Et donc, dans, chez nous, malheureusement, il n'y a pas des personnes spécialisées qui peuvent s'occuper de ces événements. Donc, l'artiste, souvent, il est obligé de faire ce travail, lui aussi. Travail d'administrateur, voilà. en quelque sorte. D'agent artistique, voilà. quelque sorte. Donc, j'ai cherché longtemps un moyen de monter ce projet, donc c'était vraiment très compliqué. Et puis, j'avais fait une demande il y a quelques années de ça pour faire, justement, je visais un lieu. Je visais le lieu de Dar Abdeltef. Parce que pour moi, cette collection, elle va très bien pour ce lieu-là. Ce lieu qui a beaucoup accueilli les artistes, qui est des artistes voyageurs. Oui, tout à fait. Les artistes voyageurs. Donc moi, je me suis dit, la symbolique, elle est là. Il faut que cette exposition se fasse à Dar Abdeltef. Donc moi, j'avais déjà fait une demande pour aller réaliser ce projet à Dar Abdeltef, mais je n'ai pas eu de réponse positive. Donc, ils ont changé le directeur de cette institution. Une fois, comme autour de moi, mes amis ont entendu parler de mes projets, ils ont vu que j'arrivais pas à le réaliser. Pour vous dire que vraiment, il y a des gens qui veulent justement que les choses avancent. Donc, une nouvelle association est née, Mosaïka. Cette association, elle avait déjà parlé avec le nouveau directeur de cette institution et puis ils étaient d'accord pour monter ce projet-là. Donc je trouve que cette collection, c'est vrai que j'avais du mal à la réaliser, mais en fait quand la chose elle est déjà mûre et elle est toute prête, je pense qu'il n'y a pas de raison de se désespérer parce que l'idée elle est là. C'est comme un écrivain, quand il écrit son livre, il est là, il peut attendre, je ne sais pas, une année, deux ans, mais le fait qu'il se réalise plus tard, ce n'est pas un problème. S'il va sur autre chose, il ne va pas s'arrêter, c'est ça l'idée. Il ne faut pas qu'il s'arrête sur une idée, il faut qu'il aille avancer, il laisse les choses mûrir d'un côté et puis être toute prête pour justement les lancer au public. Donc, l'association Mosaïka avec l'Arc, ils ont réalisé cette exposition et je trouve que dans cette exposition, elle a eu beaucoup de succès. Je trouve que c'est extraordinaire. La presse, on en a vraiment beaucoup parlé. Elle a été visitée par un public incroyable. Et donc, je trouve que c'est extraordinaire le fait de réunir les forces pour réussir quelque chose. L'Arc était là pour réussir ce projet, l'association Mosaïcale était là pour réussir ce projet et puis moi, de mon côté aussi, j'étais là pour faire réussir ce projet. Et cette exposition, je trouve que c'est une exposition vraiment exceptionnelle parce qu'elle s'est détachée un petit peu de mes anciennes thématiques. Le fait que je voyage, parce que vous savez, le voyage fait toujours rêver et fait toujours... fait toujours rêver et puis le voyage forge aussi. Donc il nous donne encore beaucoup de force, le fait de découvrir d'autres horizons et de découvrir d'autres choses. Donc ça nous ouvre encore plus notre angle. Et je pense que c'est exceptionnel qu'un artiste amène, non seulement il va parler de son contexte géographique, social, politique, etc., mais de temps en temps donne encore, s'ouvre encore à d'autres choses. Donc, on est dans notre bulle, mais il faut ouvrir la bulle pour pouvoir accueillir des zones positives. Alors, on va pas terminer sur ça, même si c'est très beau ce que vous venez de dire, mais moi, j'ai envie qu'on parle d'autre chose. Vous parlez de ce que vous avez fait pour mettre en place justement cette exposition, que vous avez tenu bon, qu'il y a eu beaucoup d'aide. Et vous faites partie de ces personnes-là qui mènent un combat pour que justement la peinture, et toutes les formes artistiques d'ailleurs, mais spécialement la peinture, soit une composante identitaire du pays. Ça, c'est important pour vous. Oui, c'est très important. D'ailleurs, j'arrête pas d'en parler. Ça me rend triste que les œuvres des artistes réalisées depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui soient s'évaporent comme ça dans le monde. C'est triste qu'on ne sait pas, justement, maintenant qu'on est dans une crise économique, c'est triste qu'on n'a pas un patrimoine avec lequel on peut être fier et avec lequel on peut créer une matière, et puis donner l'envie aux autres de venir nous voir. Nous avons un patrimoine dont on est fier. Oui, le patrimoine est là. Non, le patrimoine il est là, mais il n'est pas mis en valeur. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui se sont parties aussi. Il y a des choses qui se sont envolées, qu'on n'a pas su garder aussi. Le patrimoine ancien, il est là, d'accord. Mais le patrimoine nouveau, de la nouvelle génération, de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, où est-ce qu'il est ce patrimoine? Vous savez, moi quand j'ai réalisé une exposition, je fais un travail énorme. Jusqu'à présent, toutes mes œuvres, elles sont entassées. Je trouve que c'est triste, ces œuvres-là sont entassées, emballées, qu'elles ne vivent pas, qu'elles ne soient pas vues, que l'État n'achète pas des œuvres aux artistes. C'est pas normal. J'ai fait tous les musées d'Alger et puis quand je vais dans un musée, je reviens avec toute la collection. Le musée ne retient pas d'œuvres. C'est pas normal qu'un musée ne retienne pas d'œuvres. J'ai fait 30 ans de carrière. Vous imaginez 30 ans de carrière dans ce domaine-là, et puis quand vous allez dans un musée, vous ne trouvez pas une œuvre de Jahida Wadef, à part au Musée National des Beaux-Arts, qu'ils ont acheté il y a quelques années, ça, une seule œuvre. C'est pas normal. Comment vous voulez qu'on peut enrichir un patrimoine? C'est triste, parce que demain, tous les pays du monde, vous allez par exemple juste partir en France, à côté, notre voisin. Eh bien, ce pays voisin, vous avez vu, qu'est-ce qu'il a fait de ce musée du Louvre? Le monde entier vient voir ces œuvres-là. Vous imaginez tout ce qu'ils ont pu gagner comme pour leur économie à travers ce musée-là, à travers ce patrimoine. Et donc, moi, j'espère qu'un jour, que notre État s'occupe de ces créateurs, de ces artistes, que moi, je me suis battue longtemps pour les abattoirs d'Alger. Finalement, on a pour gagner une adresse, un espace pour les artistes et une adresse pour les artistes. Vous allez dans le monde entier, vous allez chercher n'importe quel artiste, vous trouvez qu'ils ont des ateliers. Partout, il y a dans la ville des ateliers. Est-ce que vous avez un atelier ouvert ici, à Alger, où n'importe qui peut venir et aller visiter l'atelier de l'artiste ou amener les enfants pour visiter? Non, il n'y a pas. C'est triste. Qu'il y a des espaces. Moi, demain, moi, chez moi, malgré j'ai tenu le coup 30 ans, mais chez moi, je mets mes œuvres sous la table, je déplace, je fais un réaménagement pour pouvoir travailler. La majorité de mes œuvres, ils sont chez les uns et chez les autres et dispersées. Je trouve que c'est malheureux. Alors, une vraie passionnée hein, de peinture et une femme qui se bat pour que l'art, justement, puisse s'imposer au sein de notre société. Donc, finalement, vous ne pouvez pas vivre sans la peinture, Jahida Wadef. Vous avez même dit, hein, et là, je vous cite, hein, « Peindre est une manière de partager avec l'autre. Cela me protège du mal. » Exactement, bien sûr. Parce que vous savez, quand on partage avec les autres, ça veut dire qu'on va s'ouvrir aux autres. Mais si on est renfermé aux autres, si on est renfermé, ça veut dire que l'autre, il ne va pas nous comprendre. Donc, il va être agressif. Le fait de ne pas s'ouvrir aux autres et de ne pas se faire comprendre, l'autre, il ne va jamais nous comprendre. Et donc, s'il ne va pas nous comprendre, il va limiter son territoire. Et s'il va limiter son territoire, dès qu'il va vous voir bouger, il va vous créer une guerre. Et c'est triste de vivre comme ça dans la pression. Il faut s'ouvrir, il faut partager aux autres, il faut communiquer. Et puis l'art, il est là pour justement, c'est un moyen de partage. C'est un moyen de comprendre les autres. Parce que nous-mêmes, parfois, on ne se comprend pas. Donc, le fait de s'exprimer, ça peut nous permettre de se comprendre. Et le fait de se comprendre, ça peut nous apaiser. Et le fait de qu'on soit apaisé, on est bien avec les autres, forcément. Si on est mal avec soi-même, on ne peut que projeter ce mal sur les autres. Bah, c'est très très joli ce mot de fin. Merci Jahida Wadef d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Merci d'avoir dit oui à notre invitation et de nous avoir laissé un tant soit peu entrer dans votre bulle. Emel, merci beaucoup pour cette invitation. J'espère que ma bulle va justement apaiser les âmes et va rapprocher les autres leur permettre de partager justement leur bulle. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous, amis auditeurs, d'avoir été avec nous. Merci à Amine Fedala, producteur et réalisateur de l'émission. Rendez-vous très vite sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Alors à très bientôt, je l'espère. Ciao. عينك تخطف عقلي وذكرك زادول بحال أحسن يا تزاير زينك تخطف عقلي وذكرك زادول بحال أحسن بودرك عالي حسنك غالي بودرك عالي حسنك غالي يا دينات سيدي عبد الرحمن أفكاري هيجا وبغيت فيك أرجع بين الأهوان يا تزاير زينك أخطف عقلي وسكانك زادوا لبحال أحسن يا تزاير زينك أخطف عقلي وسكانك زادوا لبحال أحسن عبد الرحمن زادوا لبحال أحسن